l'action de juger un procès. Monter une jument, le jugement d'un accusé. Poursuivre quelqu'un en jugement. Le résultat de cette action. Le produit de la décision de justice. Manon d'un tribunal portant ce nom. Mulassière Poulinière. Jument. Jugement à l'étang. En 1160.